chez les amis, qui manquaient de main d'œuvre parce que les hommes étaient déjà mobilisés. Et je me rappelle très bien, alors, c'est et je ne pas toute ma vie, qu'au mois de juin, on repique les choux. Parce que d'abord, c'était ce qu'on faisait. On nous avait de et à ce moment-là, quand on a appris que la guerre s'arrêtait, je dois dire qu'autour de nous, chez ces fermiers, c'était le soulagement. Et je me suis dit, comment les Allemands vont faire pour ne pas nous voir. Mais le 14 août, pour nous, c'était quelque chose d'épouvantable. Et nous devons descendre à Isère. Maman était alsacienne et elle la nuit, les détestait les Allemands déjà comme alsaciennes et encore plus le nazisme qui va durer 3 nuits que et 2 on avait connu à travers les réfugiés à Paris en Espagne. Nous étions morts. Et de faim, moi j'étais de encore petite fille quand je voyais défiler à la maison des juifs ou des catholiques allemands qui fuyaient le régime. J'avoue que ce fut mon père qui était médecin était resté à Paris dès que les Allemands sont entrés le 14 juin à Paris. Il était venu nous retrouver à Rennes. Il faut trouver les carabiniers. Nous avons trouvé un père de 8 jours en Espagne. 10 ans. Et après, bon, mon père était né en 1881. L'Afrique du Nord. Pour sa classe, il devait faire 3 ans de service militaire qu'il a fait avant la guerre de 14. Et puis il a fait 4 ans de guerre de 14. Pour ma part, moins de 20 ans, j'ai été d'abord à la prison de Raqqa. L'idée que c'était Pétain qui avait demandé cette honteuse armistice, il ne comprenait pas. 12 à 1500 Français. Et tout de suite, quand nous sommes revenus à Paris, sa principale occupation a été de comprendre, de trouver les raisons pour lesquelles Pétain allait se mettre à genoux comme ça. Quand je suis sorti de la prison de Raqqa, je ne tenais plus sur les jambes et j'avais perdu une dizaine de kilos, j'étais complètement anéanti. Quant à la toilette, on ne la faisait pas puisqu'il y avait un robinet pour 500 internés. Par exemple, dans le coin, il y avait un trou. Avant même d'être démobilisé, je suis venu retrouver mon poste aussi, puisque j'étais fonctionnaire du ministère de la Justice avant la guerre. Les 50, donc, on était là. Prisonniers qui avaient à cet étage-là. Alors, inutile de vous dire l'odeur, le spectacle, le matin, et les gars couchés dans cette pièce-là. Il y avait également le matin avec sa cape, ses yeux bleus, etc. On les voyait descendre sur ces murs. Et la nuit, elle nous passait sur le visage. Où là, se réunissait naturellement, comme dans tous les bars, surtout dans une période avec comme celle-ci. Avec qui étiez-vous dans ces camps? Un certain nombre de... Des Polonais, des Espagnols, des Anglais, des Américains, des Français. Dans mon groupe, il y avait d'abord 3 aviateurs alliés et des familles juives. Et quelques étudiants, mais aussi un élève inspecteur des impôts, un sergent-chef aviateur avec congé d'armistice, 2 frères, un boulanger et un autre boucher venu de Normandie, et un bûcheron. Bonjour. Ces groupes d'évadés de France viennent de toutes les couches sociales de la nation la pire et de tout milieu. Possible. Des gens qui avaient entre 20 et 40 ans, donc qui étaient susceptibles de servir dans l'armée d'Afrique. Un beau jour, nous avons tous été rassemblés, nous avons emprunté les trains espagnols, toujours sous garde des guardias civils, et réunis à Malaga. Dans les arènes, où nous couchons en plein air. Déjà organisé et un jour, nous avons vu arriver il deux vieux bateaux du radio français et on a vu débarquer des sacs de farine marqués de la Croix-Rouge américaine. Très on a vu débarquer aussi des sacs de phosphate. Une royauté sans roi, encore les Espagnols avaient la notion de royauté n'était pas absente de certaines situations, de certains refusés de leur en livrer. Celui qui était ministre de la Justice. D'autre part, les Américains ajoutaient leur poids en donnant c'est comme deux ça sacs de farine, suite, je crois, ils ont glissé ces lois raciales. À quelques milles de la côte, que personne ne demandait à ce moment-là. Le drapeau français. Nous nous sommes tous réunis sur le pont. Nous avons chanté une Marseillaise. Et je vais dire que j'en garde un peu à souvenir. Que ça se joue pendant la marche. Ça a commencé parce que c'était le film. C'est la meilleure. Ministère de la Justice à Vichy. Les Allemands les ont entendus avant de Vichy, où était le gouvernement, et les mais ils étaient très corrects. Gérait aussi la zone occupée. En particulier, nous avions au ministère de la Justice un représentant à Paris. Ils dans les fermes, un certain nombre de pièces, de dossiers, les nominations de fonctionnaires, de notaires, d'avoués, d'huissiers, avaient besoin d'être assurés d'une zone occupée. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, ceux qui étaient chargés de faire le passage... Dès le mois de juillet 1940, les Allemands, ils ont fait partie de tous les Juifs. très peu de choses. Ils les ont déportés. Il y en a qui sont revenus et il y en a qu'on n'a plus jamais vu. Début 42. Les Allemands, là, ils ont cherché des adhérents, en partie. Ils ont trouvé assez et ils ont eu un chef. Puis après, ils ont élu de nouveau un maire, mais qui était dirigé par les Allemands. Il y avait surtout des contacts personnels. Pouvez-vous nous parler de la vie parisienne lors de l'occupation ? Les Parisiens, ils essayaient de reprendre leurs habitudes et de vivre une vie tout à fait normale, bien entendu. En tout cas, c'était une vie qui était très compliquée par le fait qu'on manquait de tout, que pour avoir une paire de draps, une paire de chaussettes, un kilo de pommes de terre, tout était un problème. Comment faisiez-vous pour tromper les Allemands ? Dès le début de l'occupation, c'était d'abord les services de ravitaillement n'étaient pas encore organisés. Les cartes n'avaient même pas été distribuées aux Allemands. Alors, dans les boutiques, on faisait la queue. De prendre toujours on faisait la queue pour faire la queue. Toujours un an on ne savait même pas ce qu'il y avait avant. Il m'est arrivé. Il y avait d'autres personnes qui se mettaient devant la boutique, et les autres se mettaient derrière, Ça faisait 50, 60, 80 mètres. Et on ne savait même pas. Pour permettre de passer à travers n'importe quelle quand la boutique première vérification. Ah ben aujourd'hui, il y a ceci. Aujourd'hui, la carte de tabac, la carte d'alimentation. On achetait d'ailleurs très cher. Carte de travail et tout ce qui est prêt. La queue avançait, et à un moment donné, la porte se fermait, il n'y avait plus rien. Famille, alors on avait attendu 2 heures, de 3 heures, par pour rien. Interposée, par boîte aux lettres. Ensuite, on a eu des tickets. Toujours d'avance, au début des tickets, les commerçants avaient encore un peu de stock. On arrivait à s'arranger, ils en donnaient un petit peu plus, parce qu'ils connaissaient le client. Ça n'a pas duré. C'était facile de tremper l'allemand et de passer à travers sa surveillance. C'est devenu beaucoup plus difficile en 43 et 44 surtout. Quant aux Allemands, c'est la milice. C'est-à-dire des Français, des gens qui parlent français, qui entraient dans des familles françaises. J'avais 10 ans. Et qui, cela, ont fait beaucoup plus de mal à la résistance ville que la police allemande elle-même, qui était gênée par la méconnaissance parfaite de la langue, parce que l'allemand, même quand nous n'étions pas aidés, l'allemand était tout de même un peu de son côté par l'ensemble de la population. Même quand ils ne nous étaient pas favorables, ça ne voulait pas dire pour ça qu'ils étaient favorables à l'allemand. Trois enfants, il fallait partager. Et le partage, on pourrait toujours des dangers ancré, à tel point que même maintenant, le danger est manger constant, un fruit en pied, j'hésite. Avoir été un jour arrêté et puis, à Paris, je stupéfiant, dans l'escalier du métro, alors que ma tante, j'étais chargé de place dans la main, elle a eu les honte, et puis elle est allée, et n'ont pas regardé ce que j'avais la moindre honte par la suite, elle allait faire la queue avec une marmite, et pour la suite, on allait à la suite. Où je n'étais pas encore. On peut dire que tout était soumis à contrôle. Alors il y a les cartes d'alimentation selon l'âge. 10 mois d'avance, même j'ai croisé des enfants, et il y avait des cartes pour les adultes, il y avait des cartes pour les travailleurs de force. Il y avait par exemple une carte pour le pain, ce qui m'a permis de ne plus jamais rentrer ici. Pour les textiles, il y avait même des cartes pour la quincaillerie. Comment la population connaît-elle les nouvelles ? Il y avait des cartes pour les chaussures, il y avait même des cartes pour les textiles. Ainsi tous les journaux français. Et le tabac, bien sûr, aussi. Alors là, il y a tout un trafic qui se faisait, les cigares de tabac, et les savons à barbe. Les légumes qui ont été à l'honneur, c'est-à-dire le rutabaga, c'est le topinambouillé. Il l'avait aussi. On faisait du troc avec ce que l'on avait le droit d'avoir avec nos cartes d'alimentation pour avoir un peu de beurre quand nous étions à la campagne. Puisque la vie n'était pas facile, même à la campagne pour certains, quand on n'avait rien, pas de terre du tout à cultiver, eh bien c'était à peu près comme en ville. Ma mère faisait au moins 12 à 15 km à pied dans un sens et autant dans l'autre pour remporter quelquefois une 2 minutes de beurre et on avait donné tout notre sucre et tout notre café. Chez nous passait le train Paris-Châteaudun, que l'on appelait le train des haricots. On se débrouillait pour avoir de la quincaillerie, pour avoir un pneu, pour avoir un peu de tissu, et on échangeait la marchandise et on pillait en plus pour avoir des haricots et d'autres ravitaillements dans les fermes. Et lorsque l'on rentrait à Paris, il fallait pouvoir passer parce qu'il y avait la foudre. Alors quelquefois ça passait très bien, d'autres fois je devais arrêter. Si c'était terminé. J'ai glané dans les champs après la moisson et ma mère moulait le grain dans le moulin à café, qu'elle avait mis au lit avant quand même. Et alors elle faisait un pain dans le four de la cuisinière et nous avions droit à une petite tranche tous les matins. On avait droit qu'à une tranche parce qu'il fallait tout dire. Et je me suis vue des matins manger des pommes de terre parce qu'on n'avait pas de pain. Moi j'avais construit un boulotoir avec un voile très fin, c'était le voile de communion de ma mère d'ailleurs. C'est bien qu'on avait fabriqué des farines de haute qualité. Et une chose curieuse, les gens qui faisaient leur foin mettaient leur foin d'honneur à avoir le pain le meilleur, le plus blanc possible. Je crois effectivement qu'il y a eu deux obsessions pendant l'occupation, c'était à la fois le pain blanc, mais aussi le café. Tout ce qui pouvait tenir mieux du café. Ma mère s'est remise à filer la laine comme elle le faisait quand elle était jeune à la campagne. Elle a repris sa chenouille et son fuseau, et après avoir acheté de la laine brute qu'elle lavait, qu'elle nettoyait, elle s'est remise à filer. Et c'est avec cette laine qu'on récoltait des ovaires. Et ça s'est un petit peu modernisé après parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui était tourneur sur métaux et qui lui a fabriqué un système qu'on adaptait sur la machine à moudre à pédalier. Et alors en pédalant, elle filait sa laine. Évidemment, il a fallu ensuite les ramasser, les rassembler. J'ai fait dans l'arrière-salle de café, qui servait la classe, puisqu'à l'école, généralement, comme bien souvent. J'ai le souvenir de me déchausser tous les matins pour essayer de réchauffer mes pieds. Et donc, c'est un souvenir assez pénible pour moi que l'école primaire pendant la guerre. Le choc de la défaite, le coup de l'armistice, avec d'ailleurs la complicité de l'hiver qui a été extrêmement brutal. Bien, ça a laissé les gens un peu abrutis. Et puis, petit à petit, on a commencé non pas à se réveiller tout à fait, mais à sentir que ça allait devenir totalement intolérable. Je peux apparaître à ce montage que j'ai réalisé moi-même, puisque j'étais inspecteur à la SNCF. C'est le sabotage de machine qui a eu lieu au dépôt. Nous dépendions de ce qu'on appelle un plastique, matière détonante qui avait la consistance du mastic, c'est-à-dire très mal de l'air. Nous constituions des charges qui s'appliquaient contre les parois, contre les parties à demain. Évidemment, dans les jours précédents, je m'étais renseigné sur les passages des gardes à main, un certain nombre sur les périodes où il était plus facile femmes, d'accéder aux rotondes de disait, est-ce qu'on va quand même trouver une solution pour les installations remonter notre cher du pays, comme de dire et leur avoir à cette époque, à on a commencé à s'occuper d'avoir quelques liaisons avec des groupes de Marseille. On n'imaginait rien du tout, on voulait au moins, sinon se connaître, au moins savoir que d'autres existaient à quelques centaines de kilomètres, qui pensaient un peu comme nous, que peut-être la situation, comme toutes les situations historiques, était de nature à être. Dans ma famille, on passait aussi beaucoup de temps à essayer de trouver des gens qui pensent comme nous, on se passait des traces, on les prenait aux têtes si on pouvait, ou on les tapait à la machine, on avait ce genre d'activité. Enfin, nous, on était absolument minés par le drame de cette invasion, on devait commencer à cacher nos amis juifs, on avait peur, on voulait absolument faire quelque chose, d'autant plus qu'on sentait que il n'y avait que les Anglais qui résistaient à ce moment-là à cette masse de l'armée allemande. La seule chose qui nous paraissait utile, c'était d'aider les Anglais. Mais évidemment, comment ? Ici, dans cette ville de Londres, que Air Hitler prétend réduire en nombre et que ses avions bombardent en ce moment, là, ils étaient à peu près nos gens tiennent ils bon. Recevaient des armes. Nous attendons la vague. Ce qu'on a appelé les forces françaises de l'intérieur, qui ont eu pour la possibilité de créer un groupe considérable dans l'armée allemande. À cette époque, pour l'occupant et pour une partie de la population française, nous étions des terroristes dehors la loi. Quelle année les maquis se sont-ils organisés ? Les premiers maquis se sont organisés dans la zone sud dès 1942. Dans l'Aube, qui est une région peu boisée, les maquis étaient très difficiles à organiser. Sans qu'il ne moi, j'ai pas essayé de passer en Angleterre sécurité et avec une camarade alsacienne, Au garçon, nous sommes allés une fois jusqu'à Saint-Malo, bêtement le nez au vent, on n'a rien trouvé. Se sont organisés au mois de février 1944. On avait 18 ans, on n'avait pas de relation, on n'a pas réussi à passer en Angleterre. Et puis enfin, à partir et puis, du mois de la rentrée, les garçons qui avaient été pressentis, qu'on connaissait avant, ont rejoint les maquis en quantité considérable. Mais on peut dire que la zone occupée, c'est-à-dire dans le nord de la France, l'organisation des maquis n'a commencé qu'au printemps 1944. Aller déposer des fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Comment pouvait-on? Alors naturellement, j'ai voulu y aller, mais j'avais fait la veille une sortie scout avec des naturalistes qui avaient des jambes deux fois grandes comme moi. J'avais marché toute la journée et j'avais des courbatures telles, je pouvais presque plus marcher ce fameux lundi. De la population. Enfin, j'y suis allée quand même, je me suis traînée au métro et je me suis dit, comme je suis incapable de marcher pour remonter les Champs-Élysées, je vais arriver directement à l'étoile. Et à compter jusqu'à la sortie principale du métro étoile se trouve du côté de la rue Malgrave, et quand je suis sortie là, à ma stupeur, ma déception, la place était entièrement. J'ai appris ça que la classe. Et en fait, pourquoi c'était vide? J'ai vu immédiatement déboucher des soldats allemands qui ont installé leur mitrailleuse par terre et qui ont commencé à tirer. Alors je me suis dit, bon, je vais reculer du côté des Champs-Élysées. Je me suis posé bien des questions. Et comme je ne pouvais absolument pas courir pour m'enfuir, le dimanche soir, c'était je suis caché largement derrière un platane. Chez des cousins. Alors, et après, je suis arrivé le soir à la ça nuit. Ça s'est un peu détendu et j'ai pu arriver tout de suite jusqu'aux Champs-Élysées et j'ai vu. Prisonnier volontaire. Alors là, pour la première fois de ma vie, des garçons, les mains en l'air, que et les Allemands étaient en train d'arrêter avec un revolver sur la nuque. Alors moi, et j'ai reconnu là un de nos camarades qui était en train de deuxième. Et je me suis dit, ce garçon-là, comme on ne verra jamais, simplement un vasista. Sans savoir vraiment premier, ce qui pouvait arriver au juif, mais des un sentiment qu'un ordre celui-là ne pas savoir qu'il y avait un pensionnaire au-dessus. Et comment alors, s'est passée la rentrée en Alsace une discipline. À la rentrée des classes de 1940, on avait des instituts allemands. Et une demi-journée, journées, on avait classe, très long. Et deux demi-journées étaient libres. Et ça durait comme ça. Puis alors, l'après-midi, il fallait d'été. Souvent participer mais à des réunions. Mais au bout des trois mois, puis j'ai fait faisait chanter, puis il faut dire il fallait que être étudiant, et on avait un dans les frères et Heiliger. Qui était résistant. Quand on passait des personnalités du village, il fallait saluer le Heiliger. À l'école, il fallait aussi saluer avec le Heiliger en entrant et en sortant. Et puis ça nous faisait. Ce genre-là, ils m'ont ramassé, je suis retrouvé à Paris on d'abord, était contraint de le faire. Kellerman. Et le centre Kellerman, il était très différent, évidemment. En zone libre, on nous envoyait en direction de l'Allemagne. J'ai et comparé quand on est arrivé à Nancy, on nous a prié. J'ai passé les vacances de 41, 42, je pense. Et moi, un primaire, zone libre, chez les grands-parents, nous envoyait. Un apprentissage accéléré. En zone occupée, et je me suis donc retrouvé par l'usine Michel Sponde à aussi lire du passage de pièces d'avion. J'ai travaillé trois jours. Mais par le restant du temps, je ne suis peut-être pas frontière, si l'on veut dire, et ce qui m'a permis de l'autre côté. De voir et j'ai très mal voulu le docteur de là parce que mes grands-parents étaient j'ai tout simplement volé mes grands-parents maternels une feuille signée en blanc du docteur. J'ai vécu de façon très, très pénible cette différence d'atmosphère du côté. Et vous saviez qu'il y avait la zone libre entre les deux où on sentait la propagande, la de la chambre du Vercors, et j'étais toujours en contact avec eux, et de jour en jour, je devais aller les voir. Je sentais les luttes entre Français, et au sein même de ma famille, c'était vraiment pénible. J'allais travailler quelques jours, je disparaissais, parce que j'avais peur pour me rendre. Je me souviens d'avoir à l'école, est-ce que quand vous étiez à Lyon, vous avez eu l'occasion de fait une lettre au maréchal Pétain. On a fait une espèce de confession forcée sur nos défauts, sur tout ce qu'on pouvait se reprocher soi-même, et les vous avez tous promesses de s'améliorer, de l'affaire moi de qui me laisse un goût amer à la bouche. Là où Jean Moulin, la défaite était venue un tout petit peu avec toute la direction de mauvais comportements. Donc on était appelé à un redressement moral la police un peu de partout, aussi bien à l'école là, qu'au catéchisme. Ça, il y a eu une certaine culpabilisation des Français que devant la défaite. Ça, beaucoup de curés s'en sont chargés. Aussi bien que certains instituteurs. Je me souviens d'avoir reproduit un portrait du maréchal Pétain encadré de trois parties d'un tableau qui évoquait travail, famille, patrie. À mon âge, je n'ai vu aucun symbole derrière ce travail, famille, patrie. Beaucoup d'enfants l'ont fait, tout au moins dans la zone libre, et on a reçu par la suite un portrait du maréchal Pétain avec un mot de lui, et je revois encore ce portrait du maréchal Pétain. Affiché dans une maison. Je l'ai vu pendant longtemps. J'avais donc des rendez-vous régulièrement avec la femme d'un gardien de prison, avec qui, donc, notre enfant avait le contact pour avoir les informations, à qui je remettais des documents, à nous. Et vous aussi, dans les activités scolaires qu'on avait, je faisais mes rendez-vous en vélo, à l'arrivant du milieu de la pierre, mais très doucement, très gentiment, une voiture vient me pencher contre le trottoir, la fameuse traction avant de mon époque, de ma jeunesse, très rapidement, en quelques minutes, deux hommes me prennent, me mettent dans la voiture, le fait de gendarme, et tout cela crée de rassemblement, une ambiance, de close barbie et des chiens. Nous rendait favorable dans mes poches, au maréchal Pétain, sans pouvoir prendre du tout conscience là, les gens de ce qu'il y avait par derrière. Du moins, dans un premier temps. Je posais beaucoup de questions sur les choses. À partir de quand êtes-vous rentré dans la résidence? Je ne connais pas. Et alors, cette question de savoir comment on est entré dans la résistance, pour nous, c'est une très drôle de question, parce que, en fait, on n'entrait pas dans la résistance. D'ailleurs, le mot résistance, tout au moins jusqu'à mon arrestation, le 15 mai 1942, n'existait pas. De temps en temps, quand on cherchait à faire quelque chose, pour nous, les gaullistes, on disait qu'on travaillait pour les Anglais, et pour les communistes, ils n'avaient pas exactement le même genre d'activité que nous, ils disaient simplement qu'ils entraient en clandestinité. C'était le vocabulaire de l'époque. Voilà. Mais le mot résistance figure dans l'appel du 18-20-40 et un des tout premiers journaux clandestins s'est appelé Résistance. Je vous expliquais. C'était attendez. Le réseau du Musée de l'Homme. Tous les choix. J'ai vraiment cherché par tous les moyens à faire quelque chose d'utile au service des Anglais. Comment ça s'intéresse? Et puis finalement, grâce à ma mère, j'ai trouvé une équipe de professeurs, dont deux étaient au lycée du fond, qui justement alors faisaient du renseignement militaire. Alors une des premières missions qu'on m'a données consistait à relever tout autour de Paris toute une chaîne de défense anti-aérienne, un système de ballons captifs. C'est comme ça que j'ai commencé. Des gens qui avaient eu plus de chance que moi, si j'ose dire, avaient déjà leur première liaison avec Londres, et surtout des activités très importantes qui avaient lieu à l'époque, c'était d'aider les aviateurs anglais qui tombaient sur le sol français à retourner en Angleterre, car les Anglais étaient très à court de pilotes. C'était la chose la plus utile à faire et la plus urgente, puisque finalement les Anglais, avec des personnels et des avions, au moins 30% moins importants que les Allemands, ont gagné la bataille de l'air à ce moment-là. Le Tom Boulant est frappé jusqu'à Hitler et Vitlarine. Compagnon français. De vie à très voir le patron pour demander ce qu'on fait. Moi, je continue à tourner. Mais nous je n'ai plus qu'un seul gardien, celui qui est à ma gauche. Alors tout ça, ça se passe vite. Je prends mon vélo, je jette. N'oubliez pas que nous ne nous arrêterons jamais. Et moi, j'ai couru. Que nous ne nous lâcherons jamais. Une petite rue. Que jamais nous tout ne céderons. Bien. Et là, on tire. Quelles ont été moi, les circonstances exactes de votre arrestation par les Allemands? Je suis pas touché. Eh bien, j'avais été envoyé en mission au Havre. J'habitais chez une amie de ma mère. J'étais chargé notamment de repérer les points d'impact des bombes, car le Havre, en ce début d'août 1942, était très souvent bombardé. Et j'habitais dans une très vieille maison qui avait au dernier étage un petit lanternon en verre, et je montais là-haut, extasié devant la chute des bombes, sans penser une minute que ça aurait pu me tomber sur le nez. Et alors après, avec mon vélo, je parcourais la ville pour essayer de trouver et à l'autre extrémité, si les objectifs avaient été touchés ou non. C'était pas très facile, je n'ai aucune idée des distances, de la balistique, de rien du tout. C'était vraiment un travail d'amateur. Le garçon a été pour résistance. n'était pas considéré. Vous savez que les Allemands avaient divisé la France en plusieurs zones. Non seulement il y avait la zone sud, mais le long des côtes, il y avait ce qu'on appelait la zone interdite. Alors j'ai pris le train au Havre et dans mon sac à dos, j'ai mis le grand rouleau de papier sur lequel j'avais mes plans avec les chutes des bombes, etc. Jusqu'à ce que le garçon reste sans connaissance. Puis j'avais sur un carnet d'autres indications. Et ensuite, pour les plus heureux, je suis passé à travers le contrôle, cette première zone, et je suis arrivé à Paris, c'était le 15 août 1942, et ma consigne était de téléphoner à notre chef dont j'avais le numéro. Chef que je n'avais jamais vu, dont j'ignorais le nom d'ailleurs, la résistance combattante. Il faisait l'impression d'être un véritable dieu. Par timidité, je ne l'ai pas appelé, et je suis allé directement chez cette camarade professeur d'anglais dans son studio, vous savez, absolument ravi de lui apporter mes plans. Terrible. Et quand je suis arrivé en bas de son immeuble, j'ai vu une superbe voiture décapotable, il ne faut pas avoir rouge peur dans mon souvenir, des problèmes peut-être pas rouge, c'est comme ça que je la vois aujourd'hui, en général, on avec un cherche une solution, permis allemand sur la vitre, qu'on appelait un Arzweiss en allemand. Fanatisme, et je me suis dit, ah, alors ça, les Allemands sont là. Et après ça, je me suis dit, est-ce que c'est Foussard ou les Allemands partout? Ça peut très bien être un médecin, parce que les jours de congé, on n'avait pas le droit de circuler dans Paris. Il y a toujours super un rapport de force politique. Et alors, je me suis dit, bon, allez, assieds-toi sur ta peur. Et j'ai escaladé les 5 étages jusque chez ma camarade. J'ai sonné, et un grand jeune homme en manche de chemise est venu m'ouvrir. J'ai vu que toutes les affaires de ma camarade étaient par terre, pêle-mêle, et j'ai ensuite pensé que c'était une perturbation et que c'était la Gestapo. J'ai dû devenir toute blanche. S'il y a un otage, le Gestapiste m'a dit, mais vous ne venez pas. Je lui ai dit en crânant, vous croyez que c'est agréable d'arriver chez une amie et d'y trouver les Allemands? De la justice. Étiez-vous réellement conscient du risque que vous preniez en étant dans la résistance? Elle était en veilleuse. Vous risquiez quand même l'arrestation à chaque instant. Comme toutes les on était très conscient de cela. On avait d'ailleurs quelques nouvelles des gens qui étaient en prison. À ce moment-là, il y avait encore pratiquement pas, très peu de déportations. Et de toute façon, on s'imaginait que si on était déporté, on irait dans les camps de travail. J'étais jeune et solide, et ça ne me faisait pas spécialement peur. Ce qui me faisait peur, éventuellement la torture, c'est ce que nous avions. Et ça qui était tout à fait lancinant. Et on prenait des grandes précautions de là, ce trouve. Et par exemple, je n'avais pas dit à mon père que j'étais complètement engagé dans un réseau. Et lui ne m'avait pas dit de son côté qu'il avait accepté d'être boîte aux lettres dans le même réseau. Piquer la caisse, si bien que j'ai été très surprise au moment de mon arrestation, que de ce que j'ai appris sur les activités de mon père. Deuxième complication. Est-ce que vous avez été jugé? Est-ce que vous avez eu un procès? Quelles ont été les modalités? Il va peut-être être en otage de fait. Je n'ai jamais été jugé. Quand je suis arrivé à l'interrogatoire à la Gestapo, j'ai vu à ma stupeur que sur le bureau de mon gestapiste, il y avait non seulement mon nom et mon prénom, le faux nom que j'avais choisi, le faux prénom d'ailleurs, on nous avait demandé de choisir en suivant le réseau, et le diminutif de ce faux prénom par lequel mes camarades m'appelaient. Alors là, je dois dire que ça m'a donné un grand coup à mon moral. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui a parlé, mais qui? On ne peut plus compter. Et je me suis rendu compte aussi que les fameux rapports qui, soi-disant, étaient micro-photographiés, mis dans une boîte d'allumettes, confiés à un camarade sûr qui emmenait ça au-delà des Pyrénées jusqu'à Lisbonne. Eh bien, cette fameuse boîte d'allumettes, elle était sur la table de la Gestapo. Alors, je suis resté plus d'un an en prison, qui prouve qu'ils ont cherché encore longtemps français à trouver des ramifications. Et puis, au bout de 15 mois au moins, j'ai été envoyé dans un camp de transit dans le fort de Romainville. Et là, j'ai vu mon père, qui avait été arrêté Gabriel le même jour que moi, qui lui comment était enfermé su que dans le casemate. Du 6 juin allait s'effectuer. Mais on n'a pas pu se parler de choses importantes, parce qu'on a eu une entrevue devant un Allemand et on n'a rien pu se dire. Et mon père a été déporté en septembre 1943 et moi-même en octobre 1943. Et entre le départ de mon père et mon propre départ, j'ai assisté, ça je ne dirai jamais, au départ de 50 hommes qui étaient dans les casemates et qui sont partis un matin très tôt pour être fusillés comme otages, mon Valérien. Et puis j'ai su, alors très longtemps après, en revenant, qu'il y avait un officier allemand tué par la résistance. C'est eux qui avaient payé. Avec les chars américains, car tous mélangés, les services civils, les services militaires de la résistance étaient étroitement liés et contribuaient souvent aux mêmes tâches. Sens. you know, in gas. And like, I want to be stupid, I don't know if I'm sure. Yeah. Tu l'as eu, le rapport moral ? Un chaleureux merci pour ceux qui ont résisté aux attractions de la télévision à 8h du soir et qui sont venus jusqu'ici pour entendre un discours qui est extrêmement peu structuré et qui, je crois, les décevra plutôt. Mais c'est un discours sur ce sujet que j'aime bien. En gros, je voulais être un peu plus pompeux, les pionniers de l'imaginaire. Et j'ai quelquefois l'occasion d'en parler à des publics très différents, par exemple les jeunes étudiants de physique et chimie, mais rarement l'occasion d'en parler comme ce soir dans une ambiance qui est totalement libre. On peut dire tout ce qu'on pense et même ce qu'on ne devrait pas dire. Alors, première remarque, c'est que j'ai parlé de quelques inventeurs, mais d'un point de vue extrêmement restreint et d'abord en limitant à notre petit préféré, c'est celui des sciences de l'État, qui est extraordinairement restreint. Mais il se trouve que pour des raisons qui sont un peu de conjoncture historique et économique, ce petit précaré joue un grand rôle dans le futur de notre société. Et de ce point de vue-là, les inventeurs qui sont là-dedans sont des gens à ne pas oublier. Et puis, ce sont de vrais artistes, et j'espère vous le faire sentir sur quelques exemples. Mes exemples n'auront pas une richesse extraordinaire. Je vois des gens dans la salle qui ont écrit des livres entiers sur le bonheur de l'invention, et je n'essaye pas de me substituer à tout ça. Si on parle d'inventeurs, d'innovateurs, la première chose à laquelle on fait face, c'est à des stéréotypes gigantesques qui encombrent la pensée depuis très longtemps. Par exemple, l'idée de l'inventeur solitaire, le thème du Bernard Palissy brûlant dans sa cuisine les derniers trognons de chaise, ça existe, mais c'est devenu un thème très exagéré par rapport à ce qu'est le monde. Ou dans les milieux intellectuels qui sont largement représentés dans cette pièce, une certaine déviation même qui est venue du thème Bernard Palissy et qui est l'idée que un monsieur qui déclare qu'il invente a pratiquement tous les droits parce qu'il travaille si seul et parce qu'il travaille dans un milieu hostile. Je dirais qu'il s'est établi une idée du droit à l'hérésie qui me tourmente beaucoup dans l'époque actuelle. Il y a eu des tas de fausses inventions, de fausses découvertes que nous avons rencontrées au cours des 10-15 dernières années, qui étaient d'ailleurs bien présentes avant. Et dans certains cas, ces faux inventeurs sont glorifiés comme étant des hérétiques, du fait même qu'ils apparaissent comme des hérétiques. Prenons des exemples un peu concrets. Il y a une vingtaine d'années, l'école russe, la grande école russe de la science des interfaces, prétend avoir trouvé une nouvelle forme de l'eau. Et pendant 3 ou 4 ans, toutes les agences militaires de l'Occident se mettent à investir un argent fou dans la recherche sur cette forme de l'eau. Il s'avère à la fin que cette invention est absolument fausse, qu'il s'agit d'une pure erreur expérimentale. Dans les petits capillaires où on prétendait faire quelque chose de nouveau, on avait de la silice qui se dissolvait. Mais pendant plusieurs années, l'école russe a été soutenue par cet argument. Ils ont le droit à l'erreur, défendons ces malheureux isolés dans les steppes, et isolés pour d'autres raisons. Et ce droit à l'hérésie, donc, a été excessif dans ce cas-là. Et il l'est devenu encore bien plus dans d'autres choses comme la super-eau, que je citais là, mais aussi comme la mémoire de l'eau dont vous avez entendu parler plus récemment. Je ne parlerai pas de ce genre d'hérétique aujourd'hui, mais si on discute après, on pourra toujours y revenir. Il y a un aspect qui est très différent, un stéréotype nouveau, et que le public dans son ensemble perçoit moins, mais qui est extrêmement important maintenant, qui est l'idée qu'on invente facilement si on observe bien un marché économique. Que ce qui est important pour inventer, c'est de suivre les besoins d'un marché. Et cette chose est devenue une sorte de leitmotiv redoutable de la part des véritables gens qui nous gouvernent, qui sont les financiers investissant dans les grandes compagnies qui elles-mêmes investissent dans la recherche. Là, il y a quelque chose de très redoutable. On en parlera peut-être un peu, mais ce n'est pas mon objectif principal aujourd'hui, parce que je ne pense pas que nous soyons ce soir en majorité constitués d'un public d'économistes et de financiers. J'aimerais peut-être dire à côté de ces stéréotypes, si vous voulez, c'était quelques vraies questions que je ne prétends pas du tout, moi, régler dans cette soirée. La première, c'est le fait qu'on va vers une science qui est très sophistiquée, qui est très structurée, et sa recherche évolue très très vite, et elle évolue, nous ne savons pas exactement vers quoi. Elle a évolué d'une part vers une recherche industrielle, et j'en reparlerai souvent, et d'autre part vers une recherche d'État avec un certain corps permanent de chercheurs. Et les responsabilités à venir de ces deux mondes ne sont pas du tout claires. Et en fait, dans les décisions de ces jours-ci, dans le choix des ministres que nous avons en ce moment même, il y a des options qui vont être importantes de ce point de vue-là, au moins au niveau français. Ça, c'est une des questions. Une autre question qui est souvent formulée, mais qui, c'est vrai, est un certain souci de responsabilité pour nous, c'est la question de savoir si finalement il y a des idées perdues. S'il y a des idées excellentes qui naissent et meurent au lieu de croître comme on aimerait qu'elles croissent. On aura peut-être l'occasion d'y revenir sur quelques exemples. Je n'ai pas du tout une doctrine d'ensemble à vous donner sur les idées perdues. Mais j'ai quelques idées dont on reparlera. Un troisième thème qui est très important à notre époque, c'est la question de la responsabilité des innovateurs. Et cet aspect responsabilité prend de nos jours une tournure tout à fait dramatique. Du fait que si par exemple vous inventez une nouvelle molécule pharmaceutique, disons, vous pouvez sauver la vie de dizaines de milliers de personnes, mais si après 20 ans d'usage, tout à coup un patient a une crise cardiaque et qu'on la relie à cette molécule, vous êtes encore considéré comme responsable. Ceci est un vrai problème de société, des sociétés très protégées dans lesquelles nous vivons maintenant. C'est un problème qui moi j'y suis très sensible parce que je suis totalement tributaire de molécules pharmaceutiques. Si j'avais pas de petits produits comme ça pour me maintenir en vie, je serais déjà dans la génération précédente, je serais déjà mort depuis très longtemps. Donc je suis très sensible à la nécessité de les inventer. Je suis très inquiet des chiffres actuels. Vous savez, les chiffres sont très grossièrement de mémoire qu'il y a 15-20 ans, un pays comme la France contribuait à quelque chose comme 15% du pool nouveau de molécules utiles en pharmacie, médicalement. Actuellement, nous sommes tombés à quelques... Et le Japon, qui était comparable à nous à l'époque, est maintenant à 35%, quelque chose comme ça. Et les raisons pour lesquelles nous tombons ne sont pas uniquement des raisons de mauvaise subvention de la recherche ou des choses comme ça, ce qui serait un peu la réaction de notre communauté, c'est aussi ces raisons de société qui sont très graves. Nous allons vers une société qui se bloque. Mais ce n'est pas mon propos vraiment aujourd'hui. Je le mentionne parce que c'est un des problèmes importants de l'époque. Ce que j'aimerais faire, c'est plus, comment dire, modestement, retourner à quelques exemples d'inventeurs, voir en quoi ils sont admirables pour nous, et en même temps voir en quoi leur expérience n'est pas exactement celle que nous attendons, en quoi ils sont un peu différents des stéréotypes. Bon, une première remarque, qui est un peu l'enfoncement de votre porte ouverte, mais qui est quand même utile à faire, c'est le fait que les inventeurs ne sont pas du tout nécessairement des experts de leur domaine. Et un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de deux musiciens qui s'appelaient Léo Lebowski et Léopold Lebowski, deux jeunes musiciens qui jouaient à New York, qui jouaient mondialement, qui étaient des interprètes de très bonne qualité, dans les années 1920-1923, disons quelque chose comme ça. Mais à côté de leur passion pour la musique, ils avaient aussi une certaine passion pour la photographie. Et la photographie à l'époque se faisait en noir et blanc, mais des gens très distingués avaient évidemment évoqué la possibilité qu'en faisant un film qui comporte un grand nombre de couches sensibles différemment, on puisse faire une photographie couleur. C'était présent au niveau des grands principes. Mais eux essayaient que ça marche. Ils l'essayaient dans les éviers de leurs auteurs, qu'il s'agisse de New York, qu'il s'agisse de Vienne, d'endroits comme ça. Et ils sont allés jusqu'au bout. Finalement, après en gros 10 ans de travail, ils ont été incorporés dans l'énorme machine de Kodak. Mais en 1935, c'est bien ça, en 35, les Kodak ont sorti par les frères Feijan, qui n'étaient absolument pas des experts de la photographie. Et qui d'ailleurs au début se heurtaient plutôt aux experts. Et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans une firme déjà très établie comme Kodak, qui avait des tas de gourous qui disaient que ce n'était pas possible. Une autre remarque qui est intéressante, c'est que les inventeurs très souvent travaillent par couple. Et ils ont besoin de la vie en couple. Mais dans un sens différent de celui de mari et femme. Je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup, qui est Kim Gillette. Vous savez que Kim Gillette était un voyageur de commerce et qui a eu le choc psychologique d'un monsieur qui s'appelle Felton. C'est tout ce qu'il a eu un message sur votre professionnel qui est peut-être favorable à celui de la maladie parce qu'il avait inventé la circule à celui de l'autre. Et ceci a rendu Kim Gillette. Conçu cette idée extraordinaire du premier objet jetable de nos systèmes économiques. Je sais que les objets jetables par la suite sont devenus des choses économiques. Ça se passait en 1895. Mais il était à ce moment-là seul. Il a fallu qu'il se trouve le partenaire pour faire un coup. Et que c'est en 1901, un monsieur qui s'appelait Sam Nickerson, qui a apporté à Gillette des tas d'éléments qui lui manquaient. Je dirais des éléments de conception raisonnée de l'objet, alors que Gillette travaillait de façon très intuitive, la façon de faire un manche de rasoir qui était facile à prendre, qui se manipulait bien, les gens ne se tuent pas en 3 ans, et aussi tout le côté industriel d'arriver à utiliser les tôles d'acier de l'époque de façon simple pour les transformer en lames de rasoir. Mais j'aime bien l'exemple Kim Gillette. Il y a un deuxième exemple que j'adore aussi, et je ne résiste pas à le citer, peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent. Un entraîneur dans les coins perdus de l'Oregon, à Eugene, Oregon, qui s'appelle Bill... J'ai mal réécrit. Disons qu'il s'appelle Bill. Il entraîne des athlètes, et en même temps, il commence à remarquer que ces athlètes courent mal et sautent mal et que, dans le fond, on ne sait pas du tout s'ils sont bien équipés du point de vue de leurs pieds. Et il décide d'y réfléchir et, si ça avait été un jeune Français éduqué dans une de nos grandes écoles, il aurait sans doute commencé par faire de la mécanique très sophistiquée, mais lui, américain, il décide d'apprendre le métier de cordonnier. Et l'ayant fait, il commence à construire avec ses mains des chaussures améliorées et à les faire essayer à ses équipes d'athlétisme. Et effectivement, elles commencent à gagner pas mal. Alors, il est très content pendant un certain temps comme ça. Et en fait, pour illustrer un peu ce que ça veut dire, il a introduit quelque chose comme 4 idées nouvelles qui sont... heel wedge, un coin de talon qui protège le talon. Et puis, ça... Comment êtes-vous devenu l'abbé Pierre? Parce que vous appeliez Henri Grouès. Vous avez complètement abandonné ce nom. C'était l'avant-dernier des pseudonymes que j'avais eu dans la Résistance. Oui. Le dernier, je m'appelle Gérard et Barlow, j'ai mes papiers. Je suis un pilote canadien abattu sur la France, sauvé, ayant réussi à passer en Espagne. Vous avez toujours les papiers? Ah, j'ai toujours mes papiers. Et j'ai mon billet de wagon-lit de Madrid à Gibraltar, en première classe et en wagon-lit, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie. Ça peut resservir. Et finalement, réussi. Et alors, Pierre, c'est quand j'étais arrivé à Alger, on m'a dit, on ne peut pas annoncer, car j'ai beaucoup de familles, j'ai 107 neveux et nièces. À l'époque, on n'avait pas tant. Mais maintenant, on est 107. 107 grandes familles. partir de trois frères et une sœur mariée. Bien. Et avec l'idée qui était économiquement très intéressante, parce que si on veut obtenir qu'une grande compagnie nous fabrique de nouvelles chaussures, il faut qu'on lui offre en contrepartie quelque chose qui l'attire. On va offrir à cette compagnie japonaise de s'occuper de son marché américain, de lui créer un marché américain, d'être ses exportateurs aux États-Unis. Et effectivement, les gens de Tiger réagissent très positivement, si positivement que Nike a un moment d'étalé, parce que il a décrit ça comme une chose énorme, alors qu'en fait ils sont deux, il n'y a personne autour. Et on lui dit quel est le nom de votre compagnie, etc. Ça, il faut que dans un éclair, il y a un nom de votre compagnie. Alors il s'appelle, à peu près, pour loger des familles sans loger. Rappelons les députés, le Parlement, bah, s'il n'y avait pas eu ce que j'appelle le temps des catacombes, à l'époque, il n'y avait aucune célébrité. Quelques journalistes étaient venus. Une journaliste, je me rappelle, je crois que c'est de Marie-France. Et puis Gérard Marin, qui était un des premiers, quand même tout jeune, mais un des premiers à venir voir qu'est-ce que c'était que ce curé député qui faisait le chiffonnier. Et s'il n'y avait pas eu les temps des catacombes qui ont précédé, l'appel de 54 aurait été comme l'appel de n'importe quelle personne importante, un ministre, etc., qui aurait fait un appel pour le cancer ou pour un tremblement de terre. Les gens auraient été généreux. Un soir, on n'aurait pas reçu 1,3 milliard lettres. Il y avait une base. Qu'est-ce qui a été ? Qu'est-ce qui était que ça a été ? Explosif. C'est que les braves gens découvraient avec stupeur qu'un curé décoré, ancien député, vivait avec des pauvres types, chiffonniers, et refusant tout subside des pouvoirs publics, mendiant quand il a fallu boulevard Saint-Germain et à la porte Saint-Martin, pour apporter de quoi manger, pour bâtir gratuitement à des familles dont tout le monde se foutait, qui étaient sans logis et qu'on laissait crever dans des caves. C'est parce qu'on a découvert ça que l'appel de 54 a été explosif. Il n'y aurait pas eu le préliminaire, en 54, ça aurait été banal. Alors je prends le côté contraire, il n'y aurait pas eu la grande lumière de 54, le grand appel de la presse, des inventions, par exemple, qui sont véritablement pilotées par la guerre. Peut-être que votre temps des catacombes aurait dû ouvrir pour réduire. Le miracle, c'est qu'en 54, quand mes compagnons lisaient dans le journal, entendaient à la radio, hier sont arrivés 100 millions au nom des chiffonniers de la rivière, au nom des maïs du miracle, et mes compagnons n'aient pas arrêté un jour de sortir avec des vieux tacos qui valaient tous ces petits démarres pour les ramasser pour 200-500 francs de camelot, de vieux chiffons, de ferraille, de vieilles bouteilles. Parce que je leur disais, c'est le pétard qui fait éclater le monde. Il ne faut pas arrêter. Même si ce que vous pouvez rapporter dans vos journées, c'est dérisoire par rapport aux 50 ou 100 millions qui arrivent tous les jours. Mais bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que vous avez le même enthousiasme qu'autrefois. Mais avez-vous les mêmes envies et avez-vous de nouveaux compagnons qui vous accompagnent dans votre travail? Pensez qu'il y a 280 groupes dans 32 pays, rien qu'en France. Il y a 86 communautés, comme étaient les 4 d'avant 54, 86 communautés qui représentent environ 4000 à demeure. Libre, chacun peut partir à la minute, dire aux responsables, donne-moi mes économies, adieu, bonsoir. Quitte d'ailleurs à ce que 8 jours après, j'ai fait une place dans une autre communauté. S'il y a de la place, il y en a qui sont instables, ils disent, j'aime bien faire le tour des châteaux de famille. Alors ils s'en vont de Nice à Brest et de Marseille à Strasbourg. Ils connaissent les adresses, d'ailleurs, je me balade en ayant toujours dans ma poche plusieurs exemplaires des adresses et des téléphones de toutes les communautés. Parce que je rencontre un type qui fait la manche, plus ou moins clochard, qui dit, écoute, voilà 100 francs pour que tu puisses bouffer ce soir, mais cherche donc trouver une case parmi les communautés. Et actuellement, ils sont près de 4000. Il vous faut combien d'argent chaque année? Alors là, je suis très content d'avoir Claude Cohen devant moi, parce que la question que je me pose, et je ne sais pas la réponse, et toi la voir, c'est le laser, est-ce que nous l'avons inventé avec 20 ou 30 ans de retard ou pas? Tu dirais plutôt que oui. Alors ça, c'est quelque chose qui mériterait un débat en soi. Les concepts qui remontent pour beaucoup à Einstein, à des gens comme ça, ont été là très tôt. Et le laser est une invention qui est en forme tardive par rapport à son époque. Mais en fait, c'est un beau succès théorique. Je vais aller un peu plus loin, je vais vous citer des exemples qui me frappent où une théorie complètement fausse est à l'origine d'un développement expérimental ou technique tout à fait important. Premier exemple, les frères Montgolfier. Les frères Montgolfier rêvent de faire monter quelque chose au-dessus de la surface de la Terre. Et la théorie disponible à leur époque, enfin la théorie c'est un grand mot, mais le phénomène magique de leur époque, c'est l'électricité. On frotte des pots de chat sur des bouts d'ambre et après on constate que le bout va repousser par exemple des petits bouts de feuilles de papier, quelque chose comme ça. Et leur idée, c'est que d'enfants devraient pouvoir faire la même chose à la surface de la Terre, faire un objet qui soit repoussé comme les petits bouts de papier. Et comme ils savent très bien, d'ailleurs tout professeur de lycée, comme moi et beaucoup de gens ici, nous l'avons été brièvement, tout professeur de lycée sait que pour faire marcher cette expérience de la peau de chat, ce qui est essentiel, c'est de faire ça bien à sec. On met la peau de chat et le morceau d'ambre et le papier sur un radiateur pendant des heures avant de faire l'expérience. Si c'est bien sec, ça marche. Si c'est humide, les courants sont court-circuités immédiatement, il ne se passe plus rien. Eh bien, les frères Montgolfier se disent, c'est très simple, nous allons préparer un objet qui va contenir une flamme. Et partant de ce principe, ils remarquent que l'objet qui contient une flamme, effectivement, monte, et ils évoluent vers ce que nous appelons maintenant la Montgolfière. Une théorie totalement absurde les a conduits finalement au bon objet. Je peux vous en trouver un autre exemple qui est plus subtil en un sens, mais que j'aime beaucoup aussi. C'est le problème des antidétonants de l'essence. Si vous prenez un moteur à essence et vous le remplissez bêtement d'essence, ça cogne de façon épouvantable. Et ça se passait encore comme ça jusqu'aux années 1910-1912. Et à l'époque, ce monsieur qui s'appelait Charles Kettering a eu l'idée que par un additif intelligent dans l'essence, on devrait pouvoir éviter que ça cogne. Et il est parti sur un modèle théorique totalement faux qui était fondé sur l'idée que dans le moteur à explosion, quand il y a une explosion, il y a une sorte d'éclair. Et c'est cet éclair qui provoque le cognement. Et il s'est dit, je vais mettre dans mon moteur, dans la chambre, quelque chose qui absorbe la lumière. Et la première chose qu'il a essayé, a marché pas mal, c'était de la vapeur d'iode. La vapeur d'iode est colorée, violette, quelque chose comme ça. Et elle marchait d'une façon qui n'était pas très utilisable sur un moteur, parce que l'iode est un gaz extraordinairement corrosif. Donc ce n'est pas vraiment la solution satisfaisante d'un point de vue technique. Mais bon, alors il était renforcé dans ses convictions. Il a essayé après des tas de colorants organiques qui étaient la grande gloire de cette époque. Dans ces années-là, c'est la grande invention des colorants. Il s'est dit qu'il allait peut-être y arriver. Et pendant très longtemps, il n'y est pas arrivé, mais il a tâtonné dans tous les sens. Et le fait qu'il ait d'abord pensé à l'iode l'a aidé en un certain sens assez subtil. À un moment, passant de colorant organique, il est passé à des composés organométalliques. Et par exemple, il a fait un composé éthin qui comportait des petits bouts de molécules organiques autour. Et ayant vu que l'iode était efficace, il s'est dit, je prends des éléments de contrôle. Bon Dieu qui a dessiné toute votre vie, qui vous a fait fils d'une très riche famille, fils d'industriel, vraiment tout à fait donné aux pauvres, qui ensuite a fait la résistance que l'on sait, qui ensuite est devenu député, qui ensuite a monté les compagnons d'Emmaüs, et qui aujourd'hui est ce personnage de 77 ans qui n'en finit pas de courir après je ne sais pas quoi. Il en a assez. Peut-être après son propre bonheur. Voyez-vous, il y a quelque chose que j'aime bien dire. La première fois où cette pensée m'est venue, c'était les aumôniers protestants et catholiques, bien avant le concile, c'était déjà de l'œcuménisme, de Strasbourg, qui m'avaient demandé de venir faire une journée de récollection, de vie de prière, entre étudiants calvinistes et catholiques. Et sur le chemin, en voiture, en allant vers eux, dans un petit chalet dans les Vosges, je savais qu'un des points de débat difficile entre calvinistes et catholiques, c'était le problème de la liberté. Et en route, pour la première fois, j'ai eu cette image dans l'esprit. Je me suis dit, la seule liberté que l'homme a, c'est tirer sur la corde pour tendre la voile ou lâcher la voile, laisser tomber. Tirer sur la voile, ça ne fait pas avancer le bateau. Mais si la voile n'est pas tendue, le vent être le meilleur du monde, il ne pourra pas non plus. Eh bien, je pense que la collaboration entre notre responsabilité, notre liberté et l'amour de Dieu, c'est la collaboration entre le type qui tire sur la corde et le vent. Et alors, j'ajoute poétiquement, parce que le vent, c'est l'amour du Père et du Verbe ses mains, le spouf du Saint-Esprit, la voix a la force d'être tendue. Alors aujourd'hui, que dites-vous aux jeunes gens et aux jeunes filles, aux enfants? À ce moment-là, par exemple, les équations hydrodynamiques qui permettent de décrire les mouvements d'un fluide en rotation, et il en sort ce qu'on appelle la théorie des couches des crânes, qui est un élément très fondamental de l'océanographie contemporaine. Mais ce que je répète toujours à mes élèves, c'est que le côté théorie de la couche des crânes, c'est le côté absolument trivial. C'est quelque chose qui se fait sur un bout de papier. Ce qui était hautement non trivial là-dedans, c'était l'observation de la dérive des glaciers. Et c'est cet esprit-là qu'il faut absolument arriver à défendre. Il y en aurait bien d'autres exemples. J'en prends un que j'aime beaucoup parce que j'ai travaillé un peu avec les gens de ce métier-là. C'est celui de du comte de Neubourg, qui intelligemment, dans les années 1925 ou quelque chose comme ça, 1930, décide de créer un laboratoire de personnes isolées, mais d'avoir une vraie équipe. Il met à la tête de cette équipe un grand chimiste qui s'appelle Carotter. Et parmi les étudiants, il y en a un jeune qui s'appelle Julian Hall. Et Julian Hall fait des expériences avec ce qu'on appellerait de nos jours des polyesters, ceux qui donnent le dacron, le tergal, etc. Et en fait, des variétés moins efficaces et qui seront abandonnées par la suite, mais quand même. Mais on ne sait pas à quoi ça pourrait servir, on synthétise des polyesters. Et Julian Hall, une fois, met son doigt par mégarde dans le pot, parce qu'un chimiste ne devrait jamais faire, mais qui fait toujours pour une raison ou pour une autre. Et quand il sort son doigt, il voit qu'il tire des fils. Et là, toute l'équipe est alertée, ces matériaux vont peut-être permettre de faire des fils infectieux. En fait, ce ne sera pas ce polyester, ce sera un analogue qui est un polyamine, ce sera le nylon qui va sortir en 39-40. Mais la petite observation avec le doigt était le point. Là aussi, je crois que c'est quelque chose qui est très important de faire sentir à vos étudiants, parce que ça n'est certes pas l'attitude qu'ils ont. Je raconte toujours le temps où j'étais professeur d'université, et j'ai passé des interrogations aux élèves. C'était dans une mouvance post-68 art de l'enthousiasme. Vous avez du tout contact avec les élèves. Et mes élèves étaient très souvent des élèves d'origine sophistiquée, des polytechniciens, des choses comme ça. Et ils avaient tendance à considérer qu'ils savaient tout au moment où ils arrivaient sur ce campus universitaire. Et ma attitude était de leur poser des questions très simples. Je me rappelle d'une que j'ai souvent citée, qui est un petit film évaporé, un rayon cosmique qui tombe dessus. Est-ce que le rayon cosmique va créer un pulse de résistance électrique que je pourrais mesurer? Ce genre de questions, en fait, demandent, disons, des considérations de bon sens et d'ordre de grandeur sur le ralentissement des particules chargées, sur le transport de la chaleur dans un métal et des choses comme ça. Rien de très sophistiqué, mais il y a des ordres de grandeur importants qu'il faut maîtriser pour voir si on peut faire un dispositif. Et je n'oublierai jamais ce polytechnicien particulier qui reste devant le tableau comme ça pendant presque une heure, parce que j'ai essayé de macérer devant le tableau, et qui au bout d'une heure sort pratiquement rien, et qui me dit, monsieur, quel est la Newtonienne que je dois diagonaliser? Et que les autres... De ce côté-là. Il soit convaincu qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, à ce congrès, en présence du ministre du Logement, qui est venu pour ouvrir le congrès, et avec un représentant des ministres de la Santé et des Affaires Sociales, donc c'est quelques jeunes gens qui étaient là, et avaient trois des personnes au pouvoir qui étaient présentes à leur petite assemblée. Alors je leur ai dit, ne posez qu'une question aux candidats aux élections de juin. Dites-leur, admettez-vous, qu'il n'y a que deux lois selon lesquelles vivent les sociétés, la loi de haine et de mort, servir premier le plus puissant, ou la loi de paix et de vie, servir premier le plus souffrant. Si vous êtes pour servir premier le plus souffrant, on est prêt à vous faire confiance. Si vous êtes pour servir premier le plus fort, vous nous faites une société demain de haine. car tout le monde voudrait être fort pour être servi. Alors si on fait une société de service premier du plus souffrant, on n'ira pas se bagarrer pour être le plus souffrant, pour avoir la Croix-Rouge à son service. Et on vivra une société d'amour et de service. Alors, il faut que je n'oublie pas que je dois vous parler en même temps que de la Fédération européenne qui est en train de se créer. Elle travaille encore demain au Sénat, toute la journée de demain. La Fondation Abbé Pierre. Alors, il y a la Fondation Abbé Pierre pour le logement des plus défavorisés. Alors, cette fondation, elle est arrivée à avoir ce qui est nécessaire comme capital qu'on a déjà dépensé en partie. Ben, il n'est pas nécessaire de capitaliser. Il faut pouvoir prouver à l'État qu'on a reçu de la confiance des citoyens 5 millions de nouveaux francs. À partir du moment où on les a, on peut devenir fondation. C'est-à-dire que tous les notaires peuvent nous avoir dans le catalogue, que viennent consulter les gens qui veulent faire leur testament et qui disent « Je vous ai donné 10% de ma fortune à des organismes sur lesquels l'État ne piquera pas un centime. Oui. » Et nous sommes, à partir de maintenant, en état d'être fondation pour le logement des plus défavorisés. Il a fallu 2 ans pour y arriver, on y est parvenu. Alors je donne d'ailleurs pour cette fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, je donne vraiment tous les numéros. D'abord c'est BP 100. La boîte postale 100, c'est pas difficile. 94-220 Charenton. Et cela est important parce que cela montre que vous poursuivez le combat. Et on s'aperçoit vite, Abbé Pierre, que vous n'êtes pas quand même un religieux classique. Vous ne ressemblez pas tellement aux autres. Alors les autres doivent terriblement vous ennuyer. Vous devez les trouver tristes à côté de vous. De quoi parlez-vous avec eux? Je leur dis d'ailleurs, pour ceux qui ont accepté d'être évêque, dans le temps actuel, j'ai une compassion, car il faut être héroïque ou imbécile pour porter une pareille responsabilité qui a tant d'incidence politique, morale, sur tout un peuple à une époque où une civilisation est en train de se réinventer, à se redécouvrir, n'est-ce pas? Et alors là, je vais vous dire un mot, parce que j'avais peur tout à l'heure d'oublier, il est tellement important. Vous parliez de l'Église, vous le percez. Avec un ami et avec sa carte. Il a appris un petit peu d'électricité. Et il sait très bien qu'à l'époque, on peine beaucoup pour faire des moteurs électriques. J'ai vu que la guerre finissait. Dans le dispositif courant, il y a nécessité de faire tourner une espèce de bobinage enroulé comme ça, tout en alimentant en courant. Et ça suppose des contacts forts sur le fil et ça marche extrêmement. Parce qu'il y a eu la vente des palais de dans les cœurs, les milliardaires du monde entier, la guerre finie, auraient mis leur orgueil à rebâtir le Vatican plus beau qu'un an. Dans des points, c'est promis dans un encore en milieu. Alors que dit-il, le disait cet archevêque, c'est un peu plus malin que moi, et il est au point de départ d'un immense découverte. Il aura d'ailleurs du mal à faire accepter, parce que plus tard, il va aller à New York, Il a rencontré Edison, qui est le grand créateur de l'équipe industrielle. Toute la doctrine d'Edison a été fabriquée du courant continu pour l'informatique. Donc Edison va le rejeter dans le soleil. Il faudra que Tesla, parce qu'il s'appelle Tesla, se construise lui-même son propre système et arrive progressivement à faire comprendre que le courant alternatif c'est bien utile. J'aime beaucoup cet exemple d'illumination dans un jardin. Ça couvre. C'est gentil pour eux. C'est très gentil pour eux. Ouais, l'extrême inverse. On a déjà vu quelques mères. Il y a des tas de points où. Ou alors vous installez au Vatican, et vous c'est d'une maturation très longue. L'exemple que je vois avec beaucoup de plaisir dans cette affaire-là, c'est justement cette histoire de la fermeture éclair. Au départ, tout vient. Parce que j'ai connu le vêture pénurie. Dans le cas particulier, nous parlons de 1800, je vais regarder la date exacte, à la fin du siècle dernier, 1891, les dames portent des bottines à boucles. De monsieur, on a certainement limogé. C'est pas du tout commode à mettre ou à défaire. Défaire une bottine à boutons demande un temps frénétique. Alors que je les voyais plein. Il faut répéter, itérer une opération élémentaire, comme diraient les informaticiens, un grand nombre de fois. Et ceci est extrêmement fâcheux, et quelquefois même dramatique, dans certaines affaires, comme Madame Bovary. Lorsqu'on dit Monsieur Vincent, les temps modernes, ça vous plaît, ça vous choque. Donc il y a un marché. Alors j'adrons à l'idée, j'adrons à un dispositif qui, au début, est un dispositif en quelque sorte comme des tiges de terrain qui accéder à un lit, il y a tout le monde qui a fait le marché. Mais c'est un dispositif dont nous ouvrons un peu au contraire, mais il y a une idée qui est un peu la rencontre avec une manette. En fait, pour l'instant, le travail de 1905, et en 1905, il y a une idée d'une surprise au lieu de ce qui est véritablement une idée tout à fait cruciale de ce qui. Et à ce moment-là, surtout, contact, il arrive à former entre nous. Et dans ce cas, c'est un truc qui nous a compris avec des activités culturelles différentes, de l'eau, par exemple, de la forme d'une arrange à l'arrivée de l'eau de la forme d'une arrange à l'arrivée de l'eau. J'aime beaucoup cet exemple, parce que si j'étais un extraterrestre et que j'arrivais ici, je jetterais avec la satisfaction que je peux voir les Je trouve que c'est exemple à la fois très beau et mélancolique, parce que ça veut dire que dans beaucoup de cas, en quelque sorte, les parents ne voient pas leurs enfants. Alors, il y aurait beaucoup de discussions à faire sur l'attitude selon les équipes psychologiques qui correspondent au maturant et à la complémentarité qui existe dans les couples, etc. Je n'ai pas du tout entré là-dedans. Quand on regarde un peu une liste d'inventeurs, on voit très bien que disante dans la division que nous connaissons, nous, dans nos sciences, et qui est une division due, encore je la connais, à la femme d'un grand physicien, Madame Bayer, qui, rencontrant beaucoup de grands physiciens, les classait automatiquement en deux groupes, joueurs de tennis et joueurs de tennis. Et en vrai, je sais ce que ça veut dire. Son joueur joue tous sa balle solitaire, etc. Et le joueur de tennis a strictement besoin d'un partenaire devant lui et de pas vivre aussi. Et ça, je crois, un peu que j'ai observé sur le genre d'exemple que je raconte, on trouve exactement la même chose. Et ceux qui réussissent à travailler vraiment seuls, sans doute, sont des extraordinaires joueurs de golf. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'ai appelé Carlson, qui vivait à New York pendant la dépression, et qui avait travaillé, je crois, pour une compagnie de brevets, pour une administration de brevets. Et l'administration de brevets, apparemment, est un peu plus définie, d'une façon générale. Et alors lui, a étudié à la porte, je crois, parce que c'était l'époque de la grande récession de 1930. Mais il s'était convaincu, qu'il y avait un problème majeur, c'était la duplication d'un texte qu'on faisait à l'époque avec un peu de carbone, très laborieux. Et il s'est également convaincu qu'il y avait une méthode, bah, c'est un peu incroyable, c'est utiliser la photographie, mais il s'est dit, il y a cette énorme compagnie qui se passe, je ne vais pas essayer de me rester là-dedans, parce que je serai tout de suite laminé, j'essaie de faire quelque chose contre eux, on est en train de faire. Il n'avait aucune culture scientifique au départ. Mais il allait régulièrement, étant chômeur, à la justement à l'université. Il y a aussi beaucoup de livres. Et là-dedans, il lisait des livres de science et il a vu un effet assez curieux qui consiste à dire que certains matériaux sont les éclairs par la lumière, deviennent un peu conducteurs d'électricité. Donc si avant on avait mis des charges, par exemple, on avait mis des charges, et bien ces charges, on va pouvoir les faire disparaître, on va dire, filer la lumière, en agissant les variations de l'air. Et du moment où il comprend ça, il commence à travailler dans ce levier, et il engageait un lithomère, un type pour le faire. Et il devient un peu trompeuse, pour que Carrefour va faire des images pas mal. Il crée une petite compagnie juste après la guerre qui s'appelle, je crois, Aloïd Corporation. Quelques années plus tard, cette compagnie est rachetée par Arthurant, qui devient ce que nous appelons Xerox. Ce type-là a travaillé tout seul pendant 15 ans. Donc le type joueur de golf, il existe. C'est-à-dire, le type joueur de tennis, il y en a des tas, je n'insiste pas plus. Mais j'insiste sur la ténacité. Je veux dire que dans l'image publique, tout est dans l'idée initiale et dans les exemples que je vois comme ça, l'idée initiale est très belle et précieuse, mais l'idée initiale est la partie bon marché de l'opération. Et la partie véritablement extraordinaire, c'est ces 10 ou 15 ans de travail dans des conditions souvent invraisemblables. Et ça existe toujours. Alors, on pourrait se dire, de nos jours, la recherche est entre les mains d'énormes institutions, comme, je ne sais pas, Électricité de France, les grandes compagnies chimiques, le CEA, etc. Ça n'existe plus. Et ça existe encore, et c'est encore un moteur important. Ce n'est plus les mêmes chiffres. L'inventeur individuel, au début du siècle, ça devait être, je ne sais pas si j'ai les chiffres, c'était les trois quarts, en 1900, les trois quarts des inventions étaient faites par des individuels. Actuellement, c'est quelques 15% qui sont faits par des inventeurs individuels. Mais ce 15% est quand même un 15% très important. Deux exemples. Monsieur Land, spécialiste de certaines astuces d'optique, qui décide de faire... il est un jour avec... Thank you. En 1945, arrive un Américain qui s'appelle Monsieur Reynolds. Et cet Américain achète un certain nombre de ces stylos, voit qu'ils fonctionnent pas mal, se documente sur les brevets et voit qu'avec un peu de manipulation, il va arriver à les tourner. Et Reynolds, 2-3 ans plus tard, complètement éjecté Biro de ce marché-là, et Biro n'en a jamais retiré aucun feu. Donc, sur des exemples comme ça, on ne sait pas du tout dire les chatoyants d'être un inventeur. Très bien. Des chercheurs, ou disons des ingénieurs de recherche dans des grandes compagnies publiques ou privées ou dans des moyennes. L'idée de faire ces labos, j'ai cité l'exemple de Dupont, c'était 1928 quand ils ont commencé, c'est une idée qui s'est développée vers cette époque-là, qui ne s'est pas faite rapidement et qui a eu des succès extraordinaires, dont le bilan était un bon exemple. Actuellement, nous sommes dans une phase totalement différente. Nous sommes dans une phase où la plupart des grandes entreprises ont effectivement de très grands labos de recherche, mais où elles sont perplexes sur la façon de les utiliser. C'est vrai que ça coûte très cher. Il y a d'ailleurs toute une vision du public. Je le vois quand j'allais dans les lycées, je parlais à beaucoup d'enseignants du secondaire. Les enseignants du secondaire ont une vision de la recherche industrielle qui est totalement déformée. Ils voient le chercheur industriel comme un monsieur qui roule en Mercedes, qui a d'énormes moyens, un salaire très confortable et des équipements aussi fabuleux, une horde de techniciens à ses ordres. Ils le voient comme une sorte de prince de l'époque. Et cette image-là me paraît tout à fait à côté de la plaque. Je suis tout à fait d'accord qu'ils gagnent un peu plus d'argent que les gens qui sont par exemple dans la recherche publique, et je m'en félicite plutôt, parce que comme ça, nous gardons dans la recherche publique que des gens qui ont vraiment envie de le faire. Mais je dirais que la vie quotidienne de ces ingénieurs de recherche me paraît extrêmement dure, et en fait souvent beaucoup plus dure que la vie du chercheur fondamentaliste que nous avons dans nos labos ici, par exemple. Pourquoi ? Eh bien, parce que typiquement, la situation de nos jours, c'est que vous êtes sur votre paillasse en train de faire quelque chose et on vient vous dire, voilà, l'usine de La Rochelle fabriquait tel produit dans telles conditions. Nous savons maintenant qu'il y a un produit coréen qui est environ 10% moins cher, mais qui aussi a telle performance un petit peu meilleure. Si, à l'échelle de 6 mois, nous n'avons pas trouvé une contre-mesure, on ferme l'usine de La Rochelle. C'est ça le genre de situation dans laquelle ils se trouvent tout le temps. Et il faut répondre extrêmement vite et répondre à des questions très multiples et sans avoir très souvent le temps de, disons, d'aller vraiment au fond des choses. Donc c'est une situation qui est objectivement très dure et qui n'est pas d'ailleurs très bonne du point de vue de... comment dire, de l'avenir des sociétés. Alors, il y a des compensations. Le fait qu'il n'est pas seul, le fait que les gens travaillent en groupe, dans des espèces de cellules où ils se complémentent les uns les autres, aide beaucoup, permet de tenir mieux les choses. Mais il y a quand même une difficulté importante. Il y a des difficultés très spéciales aux grosses compagnies. Alors là, je vais citer un théorème que ce monsieur m'a appris autrefois, que j'appelle le théorème de Baudelaire, se référant à un poème que nous avons tous annonné dans notre jeunesse, qui parle de l'albatros et qui dit « ses ailes de géant l'empêchent de marcher ». Bien, les grandes compagnies sont un exemple typique du théorème de Baudelaire. Je dirais que ce qui se passe très souvent, c'est le rôle redoutable des vieux sages. J'ai déjà parlé un petit peu des vieux sages. Il y a partout des vieux sages, des grands gourous, et le rôle de ces vieux sages est très subtil. Je veux dire qu'ils ont à la fois, ils sont détenteurs d'une sagesse, ils connaissent des tas de choses, ils connaissent énormément de choses. Et même, je dirais que dans notre époque, une des inquiétudes, c'est que souvent, au moment où ils disparaissent, où ils sont mis en retraite, des choses comme ça, cette sagesse se perd, c'est-à-dire qu'elle est mal stockée, parce qu'elle est souvent très instrumentale, liée à tel ou tel procédé, etc. Et du jour où ils s'en vont, ça n'est pas dans les rapports plus ou moins abscons que vous trouvez dans les archives de la compagnie que vous allez retrouver cette sagesse. Donc, en un certain sens, leur sagesse est irremplaçable. Mais en même temps, la difficulté est évidente, c'est que ces vieux sages, quand un jeune vient avec une idée complètement différente, il dit « impossible, on l'a déjà essayé en 1927, etc. » Et on assiste à des blocages épouvantables. L'histoire des ailes de géant est vraiment très très fréquente. Alors là, je me référerai, et si j'avais eu plus de temps, j'en aurais même amené des citations, parce que c'est vraiment un auteur que j'adore, je me référerai beaucoup à Primo Levi. Dans l'industrie chimique, il a connu exactement ce dont je suis en train de parler, et il y a des exemples extraordinaires chez lui de l'histoire. Je vais être plus positif que ça. Il y a des tas de cas où le théâtre de Baudelaire s'applique. Il y a heureusement quelques exemples que je trouve très stimulants où on voit des compagnies, comment dire, aller au-delà de leur tradition. Un exemple qui est déjà relativement ancien, c'est dans les années 52-58, la fabrication du verre en verre. Alors, ce verre-là est un premier évident, c'est un verre de pierre. Mais regardons déjà celui qui était au début. Au 1700, quand vous regardez vite dans la jeunesse, vous voyez une nature qui vient de descendre, parce que la surface de terre est absolument pas claire. Et puis est venu ce jeune homme qui s'appelait Alastair Newton, qui a dit dans ce sens, il faut le faire. Un air plat, il ne faut pas le poser sur une surface arbitraire, où il y a des refroidissements pour une odeur et une géométrie très irrégulière. La surface la plus belle que nous avons dans la nature, c'est la surface de l'article. Dans lequel on est allé de température qui est recouvert à la chaleur d'un métal fond. Et donc, je vais couler mon verre sur un lit de teint fondé. Et je vais tenir cette façon-là, une vie absolue. Ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas facile. Heureusement, dans le cas particulier, Alastair Newton était l'héritier de Newton. Il avait une théorie, donc il a pu imposer son point de vue. Mais après, il y a eu une traversée des déserts épouvantable. Finalement, ils ont construit un système de plaques et de plaques de pièces. Dans ces années-là, pendant 19 mois, ce système n'a pas réussi à fabriquer une seule pièce. Au bout de 19 mois, c'est sorti et c'est devenu un des joyaux de l'industrie anglaise, je dirais, de l'après-guerre. Voilà l'exemple d'une industrie très traditionnelle de VRI a réussi, grâce à un concours de circonstances assez favorables, à se révolutionner très simplement. Il y a un exemple français que j'aime beaucoup aussi, qui est Air Liquide. Air Liquide, nous y sommes très attachés parce que la fondation de Air Liquide vient de Georges Claude, qui était un physique et chimiste à côté. Ça a été une compagnie extrêmement innovante et ça. L'affaire, c'était de fabriquer certains gaz purs, comme l'azote et l'oxygène, au départ, par des systèmes de liquéfaction. Ce ne sont pas du tout totalement simples, parce que ça se passe à très basse température, ça se glisse pour rien, il y a de problèmes, mais Georges Claude plus une bonne technologie, ça s'est implanté dans le monde entier. Le liquide s'est implanté, par exemple, au Japon, dans les années 1905, etc. Bon, ceci dit, relativement récemment, disons une dizaine d'années, ce n'était pas la façon la plus intelligente de fournir des gaz au moins pour toutes les applications. Parce que c'est quand même une technologie très lourde, des machines qui font qu'ils ont beaucoup de maintenance, etc. Et il y a une autre idée, c'est d'avoir une petite membrane de polymère, bien choisi, pas n'importe quoi, et d'exposer par exemple cette membrane verte, et un des deux gaz, disons, l'azote va passer heureusement, l'oxygène pas. Et en répétant cette opération de façon intelligente, mais de façon purement statique, il n'y a aucune mécanique, il n'y a rien qui bouge, on va pouvoir faire des gaz raisonnablement purs. Pas excessivement purs, mais raisonnablement purs, ce qui suffit à énormément d'applications courantes. Et qui plus est, on va pouvoir le faire chez le client, on a une petite unité installée chez le client, il ne fait aucun bruit, qui travaille toute seule, qui ne demande aucune maintenance, dans des conditions très différentes. Quand cette idée est proposée aux vieux sages de l'air liquide, il y a une dizaine d'années, il y a un consensus absolu pour dire c'est stupide, ça ne marchera jamais, ridicule, et ainsi de suite. Mais fort heureusement, l'air liquide à ce moment-là, un président énergique, qui était Édouard de Royer, qui se retire justement maintenant ces jours-ci, et Édouard de Royer impose à ses troupes la solution dont elles ne veulent pas. Il fait un accord avec Dupont pour avoir les membranes qui soient le dernier point de la technologie, et développe ça en 4 ans. Et actuellement, l'air liquide a une production de membrane qui est extrêmement croissante, qui est en partie une cannibalisation, c'est-à-dire que dans certains cas, elle se substitue à sa production antérieure, c'est vraiment un changement de structure à l'intérieur de la compagnie, mais qui dans d'autres cas représente des développements de parts de marché absolument fabuleux. Et l'idée d'avoir, disons, des gaz un peu purifié, mais pas trop pur, est extraordinairement important pour des tas d'applications futures. Par exemple, un marché qui s'ouvre actuellement gigantesque, c'est le marché des verriers. Le public, là encore, a l'idée que le verre, c'est un matériau propre, admirable, et que le verre, c'est très beau, le plastique, c'est très vilain. Le public ne réalise pas deux choses sur le verre. D'une part, que le verre est un matériau qui bouffe énormément d'énergie. D'autre part, le fait que la verrerie est une des usines les plus polluantes qu'on puisse imaginer, parce que vous brûlez avec de l'air, dans cet air il y a de l'azote, vous formez des oxydes d'azote qui font ces vapeurs rouges qu'on voyait encore il n'y a pas très longtemps, au sud de Rouen ou des villes comme ça, qui sont des vapeurs vitreuses extrêmement toxiques et extrêmement abondantes. Eh bien, si au lieu de travailler comme ça, vous utilisez un gaz qui est un peu foncé, vous avez éliminé presque tout l'azote, il n'y a pas besoin que ce soit éliminé une paire de poils, eh bien, vous arrivez à une verrerie propre. Donc le marché verrier est en train de basculer depuis un an pour des raisons de ce genre et il se crée des possibilités. Je me laisse un peu entraîner parce que j'aime bien les nouveautés industrielles. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Je vous le dis trois fois, comme ça on s'occupait de la dernière heure et demie. Canal Sud. Il est bientôt 22h30, quelques minutes, et vous poursuivez l'écoute de l'émission Nuisance depuis après je ne sais combien de temps, 2 heures peut-être. Je vous souhaite bon courage pour la suite de notre programmation. Qui aujourd'hui englobe le plastique et le naturel, tout ça dans un composite à moitié serein de sémantique. Nous vous laisserons, après cette courte page de non-publicité, vous dandiner au bord d'une falaise, les pieds dans l'air, vide. La sapience de la vacuité vous permettra d'explorer, toujours plus loin, les abords des aléas. Toujours un aléatoire remous, un relent d'acidité qui remonte dans la gorge. Le nez pique, ça brûle jusqu'à l'absolution la plus complète, ou devrais-je dire la dissolution de l'être. Nous allons explorer enfin la possibilité d'une tergiversante transversale et toujours avec nos sponsors, nous allons publicitériser la terre entière avec nos sponsors. Nous sommes bientôt atteints de schizophrénie aiguë. Nous allons bientôt décéder dans des relents d'abscons. Le vent souffle dans les chaumières tellement la fumée brûle le toit en chaume. Je répète, le toit en chaume. De quel théorème j'applique. Ceci ne fait que développer par la suite. Mais s'envole vers un horizon lointain. La surplotée sur un travail de peau. Du monde ici. Nous allons pour autant traverser une période d'inturbulence aléatoire. Une inturbulence donc aléatoire qui ne se posera pas la question de oui ou non. La turbulence donc naturelle sera aléatoirement disposée en travers de notre chemin ou en parallèle. Perpendicularité ne transpercera pas le profond magnanime. Acidité purulente. Litri inamorphe, toujours, anguleusement, indisposé, à rompre avec l'attente. Le permanent soi, toujours souhait de l'autre, reflète un érudit, sagement tapis dans son coin, en souffrance, dans le coin molletonné d'un asile d'aliénés. Une vie permanentement détruite par soi, l'autre, le souhait d'être. La vie dénaturée, toujours si peu fiable, poursuit son cours en travers du chemin, transversalité de l'incohérente absurdité, adjectivisation momentanée d'un érudit savoir. Pourtant, la possibilité demeure que l'abscence fasse tout. Et les poumons sont creux de tousser. Conifères en parallèle de glottes polies ne permettra pas de grattage intensif à la chamoine. Le chamois purpoint fera avancer les curulences vers une lerbissarcence incrassude. Le roche s'est béqué, tekech lambo udikek obli. Il est piqué les rneux, udiko nomine ketofake. Il peut utiliser le diplôme de l'économiste. Il est 22h30, c'est nuisance. Vous ne comprenez toujours pas. Tant mieux. Oh. Yeah. j'avais pas la force, alors j'ai chanté dans un pré. Pour décombater les poumons, ça marche aussi. J'ai glairé. Ça enregistre encore. Hein. J'en ai, je sais pas combien d'heures, parce que c'est le compteur a fait le tour. C'est à 22h. Ouais. Plastique. Fantastique. Le plastique, c'est à chier. Le plastique, c'est vraiment à chier. Plastique, c'est vraiment à chier. Vraiment, vraiment, vraiment à chier. Je suis sur le plastique pourri. Ça pue la merde dans le couloir. Ça veut quelqu'un qui a chié. Les toilettes sont pourries d'odeur, pourrites. Ça pue la merde dans les toilettes. Allez, j'arrête. J'ai la force. Bruit de la musique. Hein. Oh baby, baby, I'm a slave for you. I'm a slave for you. I'm a slave for you. I've got a habit, it's full of shit. I've got a habit, it's full of shit, I don't care. I've got a habit, it's full of shit. And I don't give a fucking fuck, and I don't care. I've got a habit, I don't give a fuck. Give a fuck about anything at all. Give a fuck. Don't give a fuck. Don't give a fuck about anything at all. And I'm full of shit like everybody else. I'm full of shit like everybody else. And I'm full of shit about everybody else. Like everybody else. I'm full of shit. Ce matin parce que je voulais pas remonter te réveiller. En fait, j'avais oublié que j'avais des miettes. J'ai un paquet de tabac dans mon pantalon en haut. T'as entendu ce qu'on a fait hier? T'as assez dormi? Ouais, je comme hier, après vous avez rejoué. Ouais, mais ce qu'on a fait hier tous les deux avec Yo. Un petit peu, t'as réussi à dormir? Ouais. T'as on jouait fort pourtant. Moi c'est bon. Ah non, quand même. La musique, ça me l'aime pas pour dormir. La musique, c'est vite dit la musique. C'est mon père chier qui dit ça, c'est ça. Hein. C'est des notes quoi, tu prends ton cerveau. C'est plaisant, c'est plaisant. Je connais pas mon sens de l'humour encore. Ouais, voilà. J'aime bien le bruit, ça m'endort aussi. Ça m'apaise. Je suis un peu jobard, moi, j'avoue. Hein? Avec jobard? On peut le redire, ça. Tous un peu complètement, ouais. Complètement fou, ouais. On est tous tarés. prétentieux qui croient qu'ils ne sont pas, c'est tout. Les vaniteux. Ils sont pas fous. Ils sont tarés, comme... Tu écoutais quoi comme musique? T'emboutes le chou. Blame Gast for Gast. Blame Gast for Gast. Je prends deux fois par semaine. Je devrais les prendre tous les jours normalement. Puis c'est même pas le bon dosage, j'en prends 15, normalement elle a fait 10. Ouais, je prends le minimum. Je suis déjà accro à ces merdes. C'est un antipsychotique pour les schizophrènes, pour arrêter leurs allus, soi-disant, ça les arrête pas, mais... Ça les calme. Même pas. Bah si, ça les calme un temps, et après si t'arrêtes le traitement, ça revient en force. Ah ouais, ouais. Voilà, donc ça sert à rien, quoi. Mais bon, c'est mon avis. Il vaudrait mieux parler, mais ils ont pas d'argent pour parler, tu sais. Ça coûte trop cher de parler, ça coûte trop de temps. Ils préfèrent donner des cachets pour fermer les gueules aux malades. C'est ça. Éternel débat. J'ai même pas eu le courage d'aller bien loin. En courant. C'est trop dur. Ah. J'étais même pas en face, toi. Enfin, j'étais dans un pré en face, j'ai passe à côté hollandaise en face là. Ouais. Et j'ai couru 5 minutes, après ça a monté et. Alors j'ai laissé tomber. Ça rentre trop dur ici. À Oliargues, il y a une route pour aller à Chapelle-Agnon qui monte pas trop justement, qui est faisable quoi. Mais là, c'est infaisable, c'est pas possible de courir à ce point. Trop dur. Ça monte trop. Ouais, trop sec, c'est trop raide. Voilà, c'est pire là. Hein. Là, c'est encore pire parce que là, au moins, j'ai pu m'échauffer, j'ai pas craché mes poumons. Mais... C'est dur, putain. En même temps, j'ai mal au genou à cause de l'humidité, donc j'ai pas porté. Je me suis arrêté dans un pré, j'ai fait mes exercices de relaxation. Dormir avec le boucan qu'on faisait hier soir. Non. Je vois pas. Ah, tu vas bien, toi. Ouais, faut pas attendre. Oh, moi je dors, c'est que je suis juste, j'allais me coucher, c'est que je suis fatigué. Ouais, voilà. Oh, Gast. Blind Gast. Oh, Gast. J'entends déjà mon pied comme ça. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais. On dirait un interrupteur marche arrière le truc. Ouais. C'est le symbole, c'est bizarre. Hein. Ça m'assure pas confiance. Au moins l'avantage c'est que je suis plus calme. Je pense ça. Ouais. Je prends moins la tête aux gens. Qui m'arrange pas, mais bon. Ça les arrange, donc c'est tout mieux. On peut en profiter, je crois. Parce qu'il n'y en avait pas tout à l'heure. Il va faire beau aujourd'hui, je crois. Moins gras qu'hier. Oui. T'as tout à l'air moins grasse que hier. Ouais. Peut-être t'as déjà craché ce qu'il y avait, quoi. Craché, quoi. Je sais pas. La route. Ouais. La marche, ouais, ça a dû aider un peu. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, il est actuellement 23h05 en France, à Toulouse, pour être précis, au 40 rue Alfred Duméril, dans le loco de Canal Sud. Et c'est l'émission Nuisance qui touche bientôt à sa fin, bientôt pour... J'ai mal à la porcupine. Mais pas tout à fait, donc je vais continuer à déblatérer des âneries comme je fais d'habitude sur ces ondes. Allez, ciao.